بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer aujourd'hui un chapitre très important, Kitab al-Talaq, le chapitre lié au divorce. Al-Talaq, je le traduis par divorce. J'ai hésité à lui laisser son nom Talaq. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc dans ce chapitre, on verra al-Talaq. On ne verra pas al-Khula. Al-Khula, c'est un autre chapitre. On ne verra pas al-Khula. Il y a donc deux formes de séparation. Il y a la séparation qu'on appelle al-Talaq, qui est donc à la base une séparation qui vient de l'homme, et al-Khula, une séparation qui vient à la base de la femme. Parmi les raisons qui m'ont incité à faire ce cours, il y a le fait que souvent on peut avoir plusieurs frères ou sœurs qui ne connaissent pas la distinction, la différence entre les deux. On va bismillah ta'ala essayer donc d'aborder les sujets, ce sujet-là, mais pas dans le cours d'aujourd'hui, mais plutôt, je pense, wallahu a'lam, vendredi. Ou même, on a dit les cours jusqu'à quand? Peut-être jusqu'à samedi, wallahu a'lam. Samedi matin et ensuite je pars. Donc, parce que c'est important, j'ai vu que beaucoup de personnes ne font pas la distinction entre les deux, talaq et al-khula. Il y a aussi, il y a un frère qui m'a demandé, mais pourquoi tu commences par Kitab al-Talaq avant de faire Kitab al-Nikah? Pourquoi tu commences par le chapitre du divorce avant de faire le chapitre donc, du mariage? Tout simplement, barakallahu fikoum mes frères, parce que, en général, ici en France, en métropole ou ailleurs, les gens, lorsqu'ils ont besoin de se marier, ils demandent aux imams ou tout le bel-ilm, est-ce que tu peux faire le mariage pour moi, etc., etc. En général, les gens, ils demandent. Mais concernant le divorce, ça arrive très souvent que les gens ne demandent pas. Ça arrive très souvent qu'on ne demande pas, qu'on demande après. Bon alors, Akhi, j'ai fait ça, ça, ça, elle m'a énervé, ou alors je l'ai énervé, alors elle m'a dit ça, on s'est dit ça, et au final, il s'est passé ça. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Très souvent, concernant le divorce, les questions elles sont posées après le divorce. Il y a aussi le fait que celui qui connaît les règles du divorce, comme il nous disait nos méchirs, celui qui connaît les règles du divorce, mais en réalité, si beaucoup connaissaient les règles du divorce, ça nous aurait permis d'éviter plusieurs divorces. Et donc, lorsqu'il nous dit l'auteur, rahimahullah, Kitab al-Talaq, le chapitre du divorce. Et Talaq, on va le traduire par divorce, inshallah ta'ala. Et al-Khula, lorsqu'on le verra, on va le traduire par la séparation par compensation. Bi-iznillah. Et donc, al-talaq, qu'est-ce que c'est? Al-talaq, les frères, jazakumullah khairan, c'est donc hal qayd al-nikah. C'est le fait donc de défaire les liens de mariage. Le mariage, le talaq, qui peut le faire? Le talaq est entre les mains de qui? Al-talaq biyad al-rajul. Ça, c'est un point qui est important. Le talaq, le divorce, est entre les mains de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit innama at-talaq liman akhadha bis-saq. Certes, le talaq est pour donc ici liman akhadha bis-saq, c'est-à-dire l'homme, le mari, l'époux. Le talaq donc est entre les mains de l'époux. Et ça c'est un point important barakallahu fikoum. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, fattakullah fi nisa. Il nous ordonne de craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant les femmes. Le divorce, il a été mis entre vos mains. Alors craignez Allah tabaraka wa ta'ala concernant vos épouses. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, wa in azamu at-talaq fa inna Allah sami'un 'alim. Et si donc il désire fermement le fait de divorcer, alors certes, Allah est Sami'un Alim. Allah entend tout et voit tout. Les savants, ils nous disent, et parmi eux, le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, ils nous disent, ici, il y a comme une forme de menace. C'est-à-dire donc, et s'ils veulent vraiment divorcer, alors qu'ils fassent attention, parce que Allah entend tout et voit tout. Et il connaît tout. Et donc, tu dois craindre Allah. C'est pas parce que le divorce a été placé entre tes mains que tu fais n'importe quoi. Ça, c'est très important, barakallahu fikoum. Et donc, parmi les éléments qui montrent que, barakallahu fikoum, le divorce Celui qui étudie les règles du divorce, ou si les gens étudiaient les règles du divorce, ça nous aurait permis d'éviter beaucoup de divorces. On a le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte que le divorce, que l'homme puisse divorcer sa femme trois fois, et le fait que l'homme, ou du moins qu'il y a des restrictions dans le divorce. Le mariage, si tu veux te marier, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Dès que toutes les conditions sont réunies, ça peut aller très vite. Mais le divorce, non. Comme on le verra, Inch'Allah ta'ala, malgré les conditions, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que notre religion nous pousse à l'union. Notre religion nous pousse à l'union. Notre religion n'a pas cette difficulté qu'on peut trouver aujourd'hui chez les catholiques ou chez les chrétiens de façon générale. Les chrétiens n'ont pas le droit de divorcer. Le divorce chez les chrétiens est interdit. Lorsque tu te maries, c'est à vie. Lorsque tu te maries, c'est à vie. Le Vatican autorise le divorce. Le Vatican valide le divorce d'une personne si elle arrive à prouver que le jour de son mariage, elle n'avait pas la raison, ivre ou autre. Si elle arrive à prouver cela, alors le Vatican permet le divorce. Sinon, non. Il n'y a pas de divorce. Même si tu te sépares avec la personne et que tu vis ailleurs, il n'y a pas de divorce. Et donc ça, c'est une situation difficile parce que parfois, le divorce devient nécessaire. À la base, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que la base, concernant le sujet du divorce, la base, c'est de patienter. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et si vous les détestez, alors il se peut que vous détestiez quelque chose, mais qu'Allah y place un très grand bien. Et aussi dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ كَرِهَ مِنْهَ خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَ آخَرٌ. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'aucun croyant ne déteste aucune croyante. S'il déteste chez elle un comportement, alors il sera satisfait d'un autre comportement. Ce n'est pas parce que tu as vu un défaut chez ton épouse que ça veut dire qu'elle n'est pas correcte. Parce que tu vas être donc déçu ou tu vas ne pas aimer un comportement chez elle ou une caractéristique, mais il y en a d'autres que tu vas aimer et apprécier. Et donc ici, ces textes-là nous poussent à la patience. Et donc la base, c'est la patience. Mais dans certains cas, le divorce peut être même obligatoire. Comme on le verra, Inch'Allah ta'ala, concernant celui qui a juré de ne pas s'approcher de son épouse et qui dépasse un certain délai. À ce moment-là, le divorce devient obligatoire. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit donc celui qui a une épouse qui va forniquer. Celui qui a une épouse qui va forniquer et qu'il n'arrive pas donc à la conseiller, à faire en sorte qu'elle arrête. Il dit à ce moment-là, il lui est obligatoire de divorcer. Et s'il ne le fait pas, c'est un dégoût. Et même chose pour la femme. Sauf que, comme je l'ai dit ici, on voit le talak. Concernant le khul, la séparation par compensation, on verra ça par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ta'ala. Et la base dans ce sujet, donc dans le sujet du talak, le divorce, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Ô prophète, si vous divorcez, donc les femmes, ou lorsque vous divorcez les femmes, alors divorcez-les li'iddatihim, c'est-à-dire avant leur période de viduité. On verra ce qui est voulu ici dans ce passage. Ce passage est expliqué donc dans le hadith de Omar radiallahu anhu, et le cheikh il le cite tout de suite après. Alors il nous dit, le cheikh, il nous dit « Wa talaquhunna li'iddatihinna fassarahu hadith ibn Umar » Et donc, le fait de les divorcer un peu Le fait de les divorcer avant leur période de viduité, cela a été expliqué dans le hadith d'Ibn Omar. Et donc, Ibn Omar a divorcé son épouse alors qu'elle était en période de, en état de menstru. Elle était donc dans sa période de menstru. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Alors Omar, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc ordonne-lui donc qu'il la reprenne. Puis qu'il la laisse jusqu'à ce qu'elle se purifie. Qu'il la laisse donc chez lui, qu'il la laisse avec lui jusqu'à ce qu'elle se purifie. Thumma tahid, puis qu'elle ait ses menstrues. Thumma tathur, puis qu'elle soit purifiée de ses menstrues. Thumma insha'a amsaka ba'du, puis après cela, après qu'elle soit purifiée de ses menstrues, alors donc il la divorce. Wa insha'a talaqaha qabla an yamass. Et s'il veut donc la divorcer, alors il la divorce avant de la toucher. Fait-il qu'elle iddatu allati amara Allahu an tutallaq laha an-nisa. Et ceci donc est la période durant laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné que les femmes soient divorcées. Muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, murhu falyuradi'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Et donc ordonne-lui qu'il la reprenne, puis qu'il la divorce donc quand elle est tahir, donc dans un état de pureté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un état donc de menstru, ou alors qu'elle soit hamil, donc qu'il la divorce et qu'elle soit donc enceinte. Donc, soit il la divorce et elle est dans un état de pureté, on verra ce qui est voulu par là, soit il la divorce alors qu'elle est enceinte. Il nous dit le cheikh, wa hadha dalilun ala annahu la yahillu lahu an yutalliqaha wa hiya ha'id aw fi tuhrin wati'a fihi illa in tabayyana hamluha. Et donc le cheikh As-Sa'di rahimahullah, il nous dit ceci est la preuve que il ne lui est pas permis de la divorcer alors qu'elle a ses menstrues ou alors qu'elle est dans un état de pureté alors qu'il a eu un rapport avec elle, ou alors donc sauf si il apparaît clairement qu'elle est enceinte. Bi'idhnillahi ta'ala, donc on va voir ici, jazakumullah khairan les frères, donc les conditions à réunir dans le divorce. Ça, on va le voir dans le hadith de Ibn Omar. Et donc par rapport à cela, les frères, on va voir plusieurs points importants. Donc c'est que, premièrement, dans ce hadith, on voit la distinction entre ce qu'on appelle le divorce innové, talakul bid'i, et le divorce sunni, le divorce qui respecte la sunna. C'est quoi une bid'a? Rajouter quelque chose dans la première partie. Il n'a pas été... Hein? Faire quelque chose qui n'a pas... Quelqu'un tue quelqu'un, c'est une bid'a? C'est pas légiféré. Adorer Allah d'une façon qui n'est pas légiférée. Barakallahu fikoum les frères. Attention, c'est important. Ça, je pense que ça fait... Il y a plusieurs cours qui sont passés. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Hein? La définition de l'innovation, normalement, on doit connaître. Définition du tawhid, définition du shirk, etc., etc. Et donc, la définition de l'innovation. L'innovation est taqarrubu ilallahi bima lam yashra'hu. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré. Tayyib. Un homme se dispute avec sa femme. Il se dispute. Le ton monte. Au bout d'un moment, il lui dit « Anti Talib, tu m'énerves, je te divorce. » Est-ce qu'il a voulu se rapprocher d'Allah? Dans cette situation? Non. On est d'accord, non. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça Talak Sunni? Parce qu'il a respecté les règles. Et donc, attention, il n'est pas voulu par cela, le divorce innové et le divorce respectant la Sunna. Ici, on ne parle pas d'adoration. Ici, le talak bid'i, il a été appelé bid'i par les savants de la jurisprudence. Il a été appelé bid'i par les savants de la jurisprudence parce que ce divorce ne respecte pas les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne respecte pas les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est important parce qu'on va le revoir plus tard lorsqu'on va chercher à savoir est-ce que si une personne fait un divorce qui ne respecte pas les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce divorce est valable ou pas? Ça, c'est important. Et donc, quel est le talaq sunni? Quel est le divorce qui respecte la sunna? Et quel est le divorce bid'i, le divorce qui ne respecte pas la sunna? Et donc, le divorce qui ne respecte pas la sunna, il va contredire la sunna dans deux points essentiels. Dans deux points essentiels. Le moment du divorce et la façon dont le divorce a été prononcé. Le moment du divorce, ainsi que la façon dont le divorce a été prononcé. Concernant le moment du divorce, les frères, retenez bien, parce que là, c'est un cours de fiqh, je vais poser beaucoup de questions. Concernant le moment du divorce, le divorce doit être fait dans un moment de pureté durant lequel l'homme n'a pas eu de rapport avec son épouse, c'est-à-dire qu'un moment de pureté, elle n'a pas ses menstrues. Un moment de pureté, elle n'a pas ses menstrues. C'est ça qui est voulu par un moment de pureté. Durant lequel l'homme n'a pas eu de rapport avec son épouse. Ça veut dire que depuis que la femme de l'individu qui veut divorcer, depuis qu'elle s'est purifiée de ses dernières menstrues, il n'y a pas eu de rapport. Il n'y a pas eu de rapport. Si il y a eu un rapport, l'homme il doit attendre les prochaines menstrues, qu'elle se purifie des menstrues, et ensuite, à ce moment-là, elle divorce. Et donc, il est obligatoire que l'homme s'assure qu'au moment du divorce, au moment où il prononce le divorce, que sa femme soit pure, en état de pureté. Et deuxièmement, que sa femme, qu'il n'ait pas eu de rapport avec son épouse depuis ses dernières menstrues, jusqu'au moment où il va prononcer le divorce. Et donc ça, c'est quand on aborde le sujet, donc le temps, le moment durant lequel le divorce va être prononcé. Et ça, on le voit clairement dans le hadith. Et ça, on le voit clairement dans le hadith donc d'Ibn Omar. On le voit clairement dans son hadith. Il y a aussi, donc, ce qui n'est pas cité dans le hadith d'Ibn Omar, mais qui va être cité dans d'autres hadiths, le fait que la personne doit prononcer le divorce et doit prononcer une talqa. C'est-à-dire que le fait que la personne dise « je te divorce » une fois. S'il dit à sa femme « je te divorce, je te divorce, je te divorce, je te divorce 1000 fois », ça rentre dans le divorce innové. Il ne respecte pas la législation. Et on verra, inshallah ta'ala, lorsque la personne fait cela, elle dit à sa femme « je te divorce 3 fois », est-ce que c'est donc il l'a divorcé 3 fois ou une fois? On le verra, inshallah ta'ala, lorsqu'on va développer un peu plus le sujet. Et donc, il nous dit le cheikh, donc, que ce divorce, il nous cite, donc, Ibn Omar, on comprend de ce hadith, donc, le fait qu'il est interdit de divorcer la femme alors qu'elle a ses menstrues, ou alors de la divorcer, donc, après qu'on ait eu un rapport depuis ses dernières menstrues, sauf si elle est enceinte. Sauf si elle est enceinte. Parce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا, qu'il la divorce, qu'elle soit en état de pureté. Donc ce qui est voulu par pureté, un état de pureté durant lequel elle ne, donc, il n'a pas eu de rapport avec elle. Ou alors, حَامِل, ou alors qu'elle soit enceinte. Si un homme a eu un rapport avec son épouse, il a eu un rapport avec son épouse, lorsqu'elle s'est purifiée de ses menstrues, les semaines sont passées, il a eu envie de la divorcer, et donc il lui demande, vers la fin du mois, « Est-ce que tu as tes menstrues ?»« Là, je vais te divorcer, est-ce que tu as tes menstrues ?» Elle dit « Non, non, j'ai pas mes menstrues, mais par contre, on a eu un rapport depuis mes dernières menstrues, on a eu un rapport. Et là, je ne voulais pas te l'annoncer maintenant, mais je suis enceinte. J'ai fait le test, je suis enceinte. » Ici, donc, est-ce qu'il peut la divorcer ou pas? Là, il peut la divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte. إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا. Si on est sûr qu'elle est enceinte, là, il peut la divorcer. D'accord ? Et donc, la femme, l'homme peut la divorcer si elle est enceinte ou si elle est dans une période de pureté durant laquelle il n'y a pas eu de rapport. يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Celui qui divorce son épouse alors qu'il a eu un rapport avec elle, il y a une semaine. Il a eu un rapport avec elle une semaine avant le divorce. Mais son épouse n'a plus de menstrues. Elle n'a plus de menstrues par rapport à son âge. Est-ce que ce divorce est correct ou pas ? Oui, il est correct. Elle n'a plus de menstrues. À partir du moment où elle n'a plus de menstrues, il n'y a plus donc l'obligation d'attendre les menstrues, qu'elle se purifie des menstrues, etc. Elle n'a plus de menstrues, son épouse. À partir du moment où elle n'a plus de menstrues, cette condition saute. Il peut donc la divorcer à tout moment. Et c'est là qu'on va voir, barakallahu fikoum, un point qui est important. Est-ce que le divorce qui ne respecte pas la prescription du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il s'applique ou pas ? Et quand est-ce qu'il commence ? L'homme qui va prononcer le divorce va commencer quand ? Hein ? Au moment où il l'a prononcé, mais ça veut dire quoi ? La période de viduité de la femme dure combien de temps ? 3 menstrues. D'accord ? Et donc, à partir de quand on commence à compter ? La première menstruation après le divorce. Taïb, l'homme divorce sa femme pendant qu'elle a ses menstrues. Ça commence quand ? Hein ? C'est un talak bid'i. Donc le divorce, il commence quand ? Les prochaines menstrues, pas ces menstrues-là. Donc ça, c'est pour les savants qui nous disent que le divorce, il s'applique. Pour l'homme qui divorce sa femme alors qu'elle a ses menstrues, les savants qui disent que le divorce s'applique quand même, ils vont dire que la période de viduité où le divorce s'applique lors des prochaines menstrues, pas celle-là. D'accord ? Et donc, ici, maintenant, ce sujet de divergence, ce gros débat, les quatre imams, ils voient que le divorce s'applique. Malik, Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, ils voient que le divorce s'applique. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ordonne-lui qu'il la reprenne. Ils disent, s'il lui a ordonné de la reprendre, c'est bien que le divorce a été appliqué. Sinon, il n'y aurait pas eu de nécessité de dire qu'il la reprenne. Et aussi, dans une narration du hadith, dans Sahih al-Bukhari, il y a une narration du hadith qui cite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Husibat alayha » c'est-à-dire que cela, ce qui s'est passé, compte dans son divorce. Cela est pris en compte dans son divorce, ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est une preuve qui montre que ce divorce s'applique et qu'il est pris en compte. Il ne respecte pas la législation, mais il s'applique. D'autres savants, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est l'avis qu'a suivi le Cheikh Ibn al-Uthaymin, ils disent que non, le divorce ne s'applique pas. Pourquoi ? Et donc, ils vont dire que il y a une narration qui n'est pas dans Sahih, une narration qui dit que donc le narrateur, il dit wa lam yaraha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam shay'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cela ne représentait rien. Et donc ils disent, on comprend ici que ce divorce ne représente rien, ce n'est pas un divorce. Mais comment est-ce qu'ils répondent à la parole Mourou Feliuradia? Ils disent ici, donc, comment répondre à la parole? Donc, ordonne-lui qu'il la reprenne. Ils disent, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le fait de la reprendre dans le mariage. Ici, c'est le fait de la reprendre dans la langue arabe. Et il y a un volet qui concerne Raja, qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, le fait que l'homme reprenne son épouse. Qu'est-ce qui est voulu par là ? Donc, dans le sujet du divorce. Dans le sujet du divorce, ce qui est voulu par cela, le fait que l'homme reprenne son épouse, c'est-à-dire que l'homme reprenne son épouse après l'avoir divorcée. L'homme reprend son épouse après l'avoir divorcée. On verra qu'il n'est pas mis en condition donc, son accord à elle. Il n'est même pas mis en condition le fait qu'elle soit au courant. C'est-à-dire que un homme a divorcé son épouse, Et nous, on est là avec lui, on conseille le frère, Yahri, reprend là, Yahri, reprend là, etc., etc. Et qu'au bout d'un moment, le frère dit, ok, c'est bon, je la reprends. Khalas, je l'ai reprise. Il est avec nous, elle n'est pas encore au courant de ça. Est-ce qu'on va dire, non, il ne l'a pas encore reprise jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et qu'il lui dise, non, ça y est, khalas, c'est fini. Elle va être mise au courant dans quelques minutes ou plus tard, etc. Et donc, ici, cela, l'homme, il peut reprendre son épouse dans ces conditions. Quand c'est encore son épouse, c'est-à-dire que quand elle est encore dans sa période de viduité. Elle est encore dans sa période de viduité. Les savants, ils nous disent, mais ce terme-là, le fait de la reprendre, il a été cité dans le Coran sans que la femme soit dans sa période de viduité. Sans que la femme soit dans sa période de viduité. Allah tabaraka wa ta'ala, il cite le fait que l'homme, il divorce la femme la troisième fois. Il dit فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. À partir du moment où elle l'a divorcée trois fois, elle ne lui est plus permise jusqu'à ce qu'elle se marie et qu'elle consomme le mariage avec un autre époux que lui. فَإِنْ تَلَّقَهَا. Alors à ce moment-là, si l'autre époux la divorce, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا. S'il la divorce, alors là, il n'y a pas de mal si ils se reprennent mutuellement. Et donc, s'ils retournent ensemble. Ils disent, ce qui est voulu par là, c'est juste le fait de retourner ensemble. Et donc, ici, ils disent, on voit clairement que le terme, donc, Raja, a été utilisé pour le fait de reprendre son épouse sans pour autant qu'elle soit dans la période de viduité. Et c'est ce qu'on appelle al-raj'a, le fait de la reprendre, juste dans la langue arabe. Mais ce n'est pas le terme législatif. Il dit dans ce, et donc ils disent dans ce hadith, le hadith d'Ibn Umar, ce qui est voulu, c'est donc la citation dans la langue arabe. Le sens dans la langue arabe, inshallah ta'ala. Parmi les arguments des savants qui voient que le divorce ne s'applique pas, il y a le fait que, ils nous disent que c'est un divorce qui est innové. Un divorce qui est innové. Et l'innovation n'est pas acceptée. Parce que, comme on a vu dans le hadith de Aïcha, tout ce qui n'est pas conforme donc, à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rejeté. Et les autres savants, ils vont répliquer, ils vont dire non. Attention. Ce qui est voulu par sunna et bid'a, ce qui est voulu par l'innovation ici, ce n'est pas l'innovation qu'on connaît dans la législation. Parce que ici, lorsque l'homme va divorcer, ce n'est pas un acte d'adoration. Ce n'est pas un acte d'adoration. La preuve, ce qui est voulu donc ici, dans le divorce innové, c'est que l'homme n'a pas respecté la législation. Est-ce que tout, à chaque fois qu'on ne respecte pas la législation, notre acte ne va pas être pris en compte? Ils disent non. Le juge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « La yaqdi al-qadi wa huwa rabban » que le juge ne prenne aucun jugement alors qu'il est en état de colère. Ça, c'est interdit. Ils nous disent, mais si le juge, il le fait, est-ce que le jugement va être appliqué ou pas? Oui, le jugement va être appliqué. Il a fait quelque chose qu'il n'avait pas à faire, mais le jugement va être appliqué. Le jugement va être appliqué. Ils disent, même chose pour le divorce. Il a fait, l'homme, quelque chose qu'il n'avait pas à faire, mais le jugement, donc, va être appliqué. Et bi idhnillahi ta'ala, la vie le plus juste dans ce sujet, la vie vers, et c'est là que je dis la vie vers laquelle je penche le plus, moi personnellement, c'est la vie de l'Jumhur. La vie de l'Jumhur, c'est que ce divorce s'applique quand même. Mais le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il donne un très bon conseil. Il nous dit, ici, comme vous voyez, c'est un lourd débat, avec de gros arguments des deux côtés. Et donc, il est important que chacun se renseigne bien. Mais barakallahu fikoum, il est surtout très important de revenir vers les savants. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu t'es posé, que tu as écouté ce cours-là, et que tu as écouté Abdul Karim qui te dit la vie le plus juste pour lui, je dis bien pour moi, la vie vers laquelle je penche le plus, c'est ça. Que tu vas dire, ok, c'est ça la vie le plus juste. Les frères, barakallahu fikoum, ça c'est un sujet de grosse divergence. Celui qui est dans cette situation, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un pour qu'il demande à un savant. Il appelle un talib, Il demande au talib de demander à un savant. Ou s'il veut, il demande directement au savant. Mais dans ce sujet-là, ne demande pas à Abdul Karim. Dans ce sujet-là, ne demande pas à Abdul Karim. Nous, on est en train d'étudier le sujet. On est en train d'étudier le sujet. Mais lorsque tu vas l'appliquer, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil le fait d'étudier un sujet et le fait de l'appliquer. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, il donne un exemple ici, très important, concernant l'homme qui dit, et on le verra bi'idnillahi ta'ala, l'homme qui dit à sa femme, anti talik, tu es divorcé. Il dit à sa femme, anti talik, mais il n'avait pas l'intention de lui dire ça. Il n'avait pas cette intention-là. C'est-à-dire que la femme, elle lui met la pression, elle lui dit, divorce-moi, donne-moi mon talak. Vas-y, donne-moi mon talak. Elle le répète, elle le répète, elle le répète. Et lui, il se dit, bon, fou, là, là. Elle me dit ça, elle ne fait que me répéter ça toute la journée. Ça fait 5 jours qu'elle me répète de lui donner son divorce. Inch'Allah, ce que je vais faire, je vais prononcer le divorce. Je vais prononcer le divorce. Mais je vais avoir une autre intention. Et ça, on le verra, Inch'Allah, ta'ala. Il dit dans sa tête, je vais avoir une autre intention. Comme ça, elle me laisse tranquille. Hein? Elle va arrêter, elle va se calmer. Une fois qu'elle s'est calmée, là, on va pouvoir discuter. Mais je ne l'aurais pas divorcé parce que je n'avais pas l'intention du divorce. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, dans ce cas-là, si l'homme il fait ça, il n'y a pas de divorce. Même s'il lui a dit clairement, anti-talib, tu es divorcé. Il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de divorce. Mais si sa femme, elle se plaint par la suite, parce qu'après, forcément, après, elle va dire à sa femme, au bout d'un moment, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, elle va la voir, elle dit, tu sais, quand je t'ai dit anti-talib, je voulais pas dire que tu étais talib, en fait. J'avais une autre intention, etc. Je voulais dire par ça, tu es libre, tu veux, etc. Je voulais pas dire tu es divorcé. Et donc, lorsqu'il va dire ça à sa femme, il se peut que sa femme, elle se plaigne. C'est-à-dire, dans un pays musulman, elle va aller se plaindre au qadi, auprès du juge, dans le tribunal. Il dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin. Donc, le cas, on a une différence entre l'apprentissage et la pratique. L'apprentissage, il n'y a pas de divorce. La pratique, lorsque ce dossier arrive devant le juge n'aura pas d'autre choix que de dire il y a divorce. Parce que le juge, il ne va pas rentrer dans ta tête, il va pas, et il ne peut pas ouvrir cette porte. Il ne peut pas ouvrir cette porte et permettre aux hommes de jouer comme ça. Non, j'avais pas l'intention. Les hommes, ils vont faire que jouer avec ça tout le temps. Et donc le sujet, il arrive devant le juge, il va te dire, allez. Ta femme, elle est divorcée. Et donc là, on voit une différence entre l'apprentissage et la pratique. D'accord, les frères? Donc, je vous dis, là, on est en train d'apprendre ce sujet afin de nous préserver, nous, afin d'apprendre comment on peut faire si on est dans cette situation, afin d'éviter de tomber dans le divorce et afin d'éviter de tomber dans un mauvais divorce. D'accord? On apprend. Mais cela ne veut pas dire que si tu es dans cette situation, tu te suffis des cours du frère Abdul Karim. Donc faites très, très, très attention à ça. Et comme c'est connu d'ailleurs à l'époque de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, c'était pas tout le monde qui faisait des fatwas dans le divorce. C'était pas tout le monde qui faisait des fatwas dans le divorce. Maintenant, bon, aujourd'hui, n'importe quel jahil, n'importe quel ignorant se permet de faire des fatwas dans le divorce, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, il nous dit, rahimahullah, il nous dit, wa yaqa'u talaq bi kulli lafzin dalla alayhi. Et donc, le talaq s'applique, le divorce s'applique avec toute parole qui montre le divorce. Toute parole qui indique, qui signifie le divorce. D'accord? Que cette parole soit claire ou pas. Il nous dit, sarih. La yufhamu minhu siwa at-talaq. Donc la parole qui est claire, c'est la parole dont on ne peut comprendre de celle-ci que le divorce. Que lafz at-talaq comme le mot at-talaq. Wa ma tasarrafa minhu wa ma kana mithluhu. Ainsi donc tous les mots qui vont être tirés de ce mot-là at-talaq, c'est-à-dire le fait de dire à sa femme anti talaq, tu es divorcé, ou alors anti mutallaqa. Ou alors de dire « Ana utalliquki, je te divorce », etc. « Tallaqtuki, je t'ai divorcé », etc., etc., etc. Tous les mots qui vont dans ce sens-là. Et donc tout ça, les savants ils vont nous dire que ça, c'est clair. Ça, c'est un divorce, c'est une prononciation claire. Il y a aussi donc el-kinaya. El-kinaya, donc ce sont des termes qui ne sont pas clairs, mais qui vont avoir le sens du divorce. إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. Et donc, ce sont des mots qui vont avoir le sens du divorce si cette personne a l'intention d'avoir, a l'intention par cela de divorcer, ou alors qu'il y a une corina, il y a un élément qui montre que ce qui est voulu par là, c'est le divorce. Un élément qui montre que ce qui est voulu par là, c'est le divorce. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître ça, les frères, barakallahu fikoum? Parce que il faut savoir, donc, est-ce que ce divorce, il s'applique ou pas? Parmi les paroles qui ne sont pas claires dans le divorce, il y a le fait que l'homme, il dise à sa femme, « Il haqi bi ahlik. »« Il haqi bi ahlik. » »« Entre chez ta famille. » Ou alors, « Va chez ta mère. » Comme certains peuvent dire. « Va chez ta mère. » Il s'est fâché avec elle. Il lui dit, « Ça, c'est bon. J'en ai assez. Va chez ta mère. » Est-ce que c'est un divorce ou pas? Les savants nous disent, concernant le divorce, la prononciation de divorce qui n'est pas claire, il est obligatoire, pour que celui-ci s'applique, il est obligatoire d'avoir l'intention. Et ça, on le voit clairement dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, selon Aisha, radiallahu anha, qu'il y a donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Ibnatul Jauna, avec la fille de Jauna, lorsqu'il s'est marié avec elle et lorsqu'il s'est approché d'elle, elle lui a dit « A'udhu billahi mink »« Je me réfugie auprès d'Allah contre toi. » Alors lorsqu'elle lui a dit ça, il a répondu en disant « Faqad ista'adhti bi'azim » »« Alors tu as demandé la protection de celui qui est grandiose, puissant, il fait ce qu'il veut. »« Il haqi bi'ahli »« Rejoins ta famille » Il lui a dit « Rejoins ta famille » Et ceci a été appliqué comme divorce. Pourquoi? Parce que ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'intention de divorcer. Dans Sahih Muslim, Ka'b ibn Malik, lorsque il n'a pas été participé à une bataille, lorsqu'il n'a pas participé à une bataille, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc ordonné aux compagnons de le boycotter. Et il lui a même ordonné à lui de délaisser sa femme. C'est-à-dire que tout le monde va le délaisser, tout le monde va le boycotter. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « I'atazil zaoujak ». Il a dit « Comment ça, au messager d'Allah, est-ce que je la divorce ?» Il lui a dit « Non, non, délaisse-la, éloigne-toi d'elle pendant un moment. » Alors là, il est allé voir sa femme et il lui a dit « Il haqi bi ahli, entre chez ta famille. » Et là, ça n'a pas été considéré comme divorce parce qu'il n'avait pas l'intention de divorcer. Il a clairement demandé au prophète, est-ce que ça veut dire que je divorce? Il lui a dit non. Et donc, ok, non, je ne la divorce pas. Donc, il va voir sa femme et lui dit, rentre chez ta famille. Et elle est rentrée chez sa famille, le temps donc, jusqu'à ce que son repentir à lui soit montré clairement à la communauté. Et donc, les savants, ils nous disent, concernant les termes qui ne sont pas clairs, qui vont être utilisés durant le mariage, donc, le divorce ne peut s'appliquer que si l'individu avait l'intention de divorcer. Tayyib, concernant les termes qui sont clairs, l'homme qui va dire, comme on a vu tout à l'heure, l'homme qui va dire à sa femme « Antitalik », un terme qui est clair, que tout le monde comprend. D'accord ? « Je te divorce, tu es divorcé », un terme clair. Est-ce que le divorce s'applique ? Il y a divergence. Est-ce qu'on a besoin de l'intention ou pas ? Certains savants, et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils disent que l'intention qui contredit une parole claire n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que tu viens me voir, tu dis, tu peux me dire mille fois « j'avais pas l'intention » ou « j'étais en train de plaisanter » ou autre, on va te dire non. Une intention qui contredit une parole claire n'est pas prise en compte. Ton intention n'est pas prise en compte. On prend en compte ta parole qui, elle était claire. D'accord? Ça, c'est un avis. L'autre avis des savants, ils vont dire non. On a toujours besoin de l'intention. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innamal a'malu bin niyat ». Certes, les œuvres valent en fonction de leurs intentions. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa in azamu talaq ». Et s'ils ont fermement l'intention de divorcer. « Wa in azamu ». Et donc, s'ils ont fermement l'intention de divorcer. Et donc, ils disent, les savants, ces savants-là, ils disent que l'intention, elle est prise en compte. L'intention, elle est prise en compte. Et ce sujet, on va l'aborder dans quel cas, les frères, barakallahu fikum, on va l'aborder dans le fait, lorsqu'on va aborder l'intention du divorce, celui qui plaisante, celui qui dit donc, il dit à sa femme, je te divorce, mais en fait, il était en train de plaisanter, il faisait une blague. Et en réalité, la vie le plus juste ici, c'est que son divorce, il est pris en compte. Comme il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sunan, qu'il a dit, donc, il y a trois éléments que lorsqu'ils sont faits sérieusement, ils sont valables. Et lorsqu'ils sont faits même donc dans un état où l'individu n'est pas sérieux, ils sont valables. Et parmi ces trois, il a cité At-talaq, le divorce. Et donc il n'y a pas histoire de je plaisante ou je plaisantais pas ou etc etc. Non, tu as prononcé talaq, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Et c'est même chose pour le mariage. Un homme qui marie sa fille, etc., il ne peut pas nous dire non, mais je plaisantais ce jour-là. Je plaisantais ce jour-là. Non. Là, ça, c'est un sujet qui est sérieux. C'est un sujet qui est sérieux. Il faut faire très attention à ça. Tayyib, l'homme, il va prononcer le divorce avec une parole claire. Claire. Mais c'est un sabkou lisan. Il se peut qu'une personne dise à sa femme, anti-talik. Mais en fait, il ne voulait pas du tout dire anti-talik. Il voulait dire « anti-tahir ». Il voulait lui dire « tu es pur ». ».« Tu es pur toi, tu es pur de tes menstrues, tu t'es purifié des menstrues, etc. etc. » Mais il lui a dit « anti-tahir ». Il s'est trompé. Est-ce que le divorce s'applique ou pas? Là non, il ne s'applique pas. Ça c'est un lapsus. Là, on n'est pas donc responsable de cela. Donc là, le divorce ne s'applique pas. Ok, d'accord. Maintenant, le divorce de celui qui est en colère. Ça dépend du type de colère, c'est-à-dire, vas-y, explique-moi. Et donc, il y a trois types de colère. Le degré où la personne, elle sait parfaitement ce qu'elle dit, elle sait parfaitement ce qu'elle fait, et elle se maîtrise. Alors là, ici, donc, le divorce, il est pris en compte. Il y a un deuxième type de colère, et c'est le troisième du moins, mais on va l'aborder d'abord. Donc c'est celui que tu viens de citer, c'est donc la personne, elle est dans un état de colère où elle ne contrôle plus rien, elle ne sait même plus où elle ne sait pas, elle est sur terre ou dans le ciel ou sur un bateau, elle ne sait même pas. Il va aller, il va divorcer, il cogne sa tête contre le mur, il va casser le mur, il va si, ça, il ne se maîtrise plus. Il a perdu la raison. El Junoun. Alors là, celui-ci, non, son divorce n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne ait la raison. Il faut que l'homme, lorsqu'il prononce le divorce, il faut qu'il ait la raison. Celui qui n'a pas la raison, son divorce n'est pas accepté. Même chose pour celui qui a bu. Celui qui a bu, même si certains savants, ils voient que c'est lui qui est la cause de son état, et donc c'est accepté, mais la vue le plus juste, c'est que non, c'est pas accepté. Oui, c'est lui qui est la cause de son état, il a péché, mais son divorce n'est pas accepté, puisqu'il ne sait pas ce qu'il a dit. D'accord? Tayyib, maintenant il y a un cas intermédiaire entre les deux. Celui qui a prononcé le divorce, il était en état de colère. Tu lui demandes de te raconter, il te raconte. Il sait, il s'est passé si, ça, ça, ça, ça. Il va te dire ce qui s'est passé. Il n'était pas fou. Mais la colère a eu le dessus sur lui. Sa colère a eu l'emprise sur lui. Il ne se maîtrisait plus. Et c'est là qu'il va y avoir divergence. Certains savants vont dire non, le divorce ne s'applique pas. Parce que sa colère a eu le dessus sur lui. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn al-Uthaymeen parmi nos savants contemporains. Et d'autres qui vont dire, absolument pas. Le divorce, il s'applique sur lui. Parce que s'il a la raison, c'est à lui de faire en sorte de ne pas laisser la colère le maîtriser. Ici, il a la raison. Et ça, c'est l'avis vers lequel je penche, qui est aussi l'avis parmi nos savants contemporains, l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le fait que tu as la raison, ton divorce, il est valable. Ton divorce, il est valable. On a le même cas pour ceux qui vont insulter Allah lorsqu'ils sont en colère. Ils insultent Allah lorsqu'ils sont en colère. Certains savants vont dire non, parce qu'il est en colère, etc., etc. D'autres savants vont dire non, non, il a mécru. En colère ou pas, pourquoi est-ce que tu ne peux pas insulter un tel ou un tel? Pourquoi c'est Allah que tu veux insulter? C'est telle personne qui t'a fait une injustice et toi, tu veux insulter Allah. Pourquoi c'est Allah que tu veux insulter? Et donc ici, barakallahu fikoum, ce divorce, il s'applique. Ce divorce, il s'applique. On va continuer demain. Inch'Allah ta'ala. Waffaq Allah al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.